Naturellement, nous, les jeunes, les débutants, on était toujours un peu naïfs et on s'est laissé prendre aux farces. Par exemple, la principale farce, quand on est touriste, c'était de dire, tout à coup, là, il y avait un ouvrier qui disait, oh, il m'a laissé 100 francs, par exemple. Alors, on était tous là, on était pris par cette recherche. On pensait qu'ils avaient laissé des billets dans tous les coins de l'atelier. Alors, ils faisaient des farces, ils mettaient de la colle ou du noir d'animal, du noir de fumée. Alors nous, on plaçait les mains partout pour essayer de trouver un billet ou une pièce de monnaie. Et on se mettait les mains pleines de colle, pleines de noir, enfin on se salissait, quoi. Et ça faisait rigoler tout le monde, quoi. Oui, ils nous envoyaient chercher. Alors à d'autres moments, alors c'était des histoires, on nous envoyait faire des commissions, réclamer la clé du chantier, enfin des tas de trucs, quoi. On comprenait pas trop le sens, on y allait naturellement. Hein. Ça faisait rire tout le monde, quoi. En fait, c'était les phares d'atelier qui devaient se dérouler d'ailleurs dans tous les ateliers, ça. Hein.